Le chef adjoint de la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a accordé le 26 au siège de l'ONU une conférence de presse à propos de l'organisation du Forum des spécialistes du droit international pour mettre au jour le fondement juridique des résolutions de sanctions contre la Corée du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dit « Nous condamnons les menées américaines et de leurs suivistes qui mettent en cause notre mesure de renforcement de la capacité autodéfensive du pays, telle que le lancement expérimental de l'engin balistique stratégique de longue et moyenne portée Salsol Bukusong 2. La cause principale de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne poussée au seuil de la guerre réside à l'introduction des équipements stratégiques nucléaires de toutes sortes américains pour livrer sans cesse les manœuvres militaires de nature provocatrice et agressive avec la Corée du Sud. Nous avons plusieurs fois proposé au Conseil de sécurité de l'ONU de discuter comme ordre du jour urgent les manœuvres militaires américaines sud-coréennes détruisant la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et envoyé en maintes reprises au secrétaire général la lettre exigeant d'y accorder son attention. Mais le secrétariat de l'ONU a tourné le dos à notre demande juste et accusé au contraire notre mesure autodéfensive légitime prise face à la menace et au chantage nucléaires américains. La représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a donc proposé au secrétariat de l'ONU en janvier 2017 d'ouvrir à New York ou à Genève un forum pour mettre un terme à la démarche illégitime qui continue comme une tradition au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Devant notre mesure, les États-Unis ont poussé les émissions à leur solde à présenter les concepts non professionnels de ceux ignorant même le droit international pour exposer les absurdités sur le fondement juridique des résolutions de sanctions anti-nord-coréennes. Au lieu de faire courir des propos sans raisonnement à l'aide de ceux qui ne savent même pas le code international, les États-Unis doivent se présenter dignement au Forum des spécialistes du droit international que nous avons proposé. En mars 2017, la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a proposé au secrétariat de l'ONU le projet de faire participer au forum les experts gouvernementaux et non gouvernementaux de tous les pays et les organisations juridiques internationales qui veulent y prendre part et de décider rationnellement son ordre de jour en reflétant suffisamment la demande des participants. Plus tard aussi, elle a demandé une vingtaine de fois le problème de l'ouverture du forum à travers ses lettres adressées au secrétaire général de l'ONU, communiqués et conférences de presse. Le secrétariat de l'ONU doit répondre positivement à notre proposition sur le forum des spécialistes du droit international destiné à éclaircir le fondement juridique des résolutions de sanctions anti-nord-coréennes conformément à la mission de l'ONU chargée de la paix et de la sécurité dans le monde, afin de s'acquitter de sa responsabilité assignée devant la communauté internationale.